Louis Delattre, Le jeu des petites gens en 64 contes sots, contes 51 à 64. Lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Le sanglier. Jean Mattet, chacun a su l'histoire, rôdant un jour dans le bois, son bâton à la main, vit venir à lui deux cochons sangliers, un vieux et un jeune. Or, comme on l'apprit ensuite, le vieux était aveugle. Par cet instinct de nature qui ordonne à la jeunesse d'aider la vieillesse, le jeune lui présentait sa queue, que le vieux tenait entre ses dents. Comme un homme à la laisse de son chien se laisse guider sans péril, ainsi l'infirme suivait son gentil compagnon. Cependant, Jean Mattet, revenu de son premier émerveillement, donna à la bête au passage un coup de son épieu, pensant le percer au travers du corps. Mais il lui trancha seulement la queue, rasibus, sans lui faire d'autre mal, si bien qu'elle s'enfuit. L'homme alors s'approcha doucement du solitaire, qui s'était arrêté en grognant, prit en main le bout de queue qui lui pendait à la gueule, et, petit à petit, le mena, sans sonner mot, jusque dans son étable, où le vieux le suivit, pensant être toujours mené par son guide ordinaire. Quand il y fut, comme il avait les défenses recourbées en dedans et du fait n'était plus dangereux, Jean le fit couper pour qu'il ne sentît plus si âprement le sauvage. Mais la bête sous le couteau commença à crier si horriblement que tous les sangliers de la forêt s'assemblèrent au bruit et coururent jusque sous le toit pour secourir leur grand-père. On n'eut que la peine de les enfermer. Je n'entendis de ma vie si bien grogner. L'enfant est très recommandable qui secourt son père honorable.